Le filtre par Edmond Jaloux. Cela commença à bord de la Méduse, le yacht du duc de Malesherbes, pendant une croisière en Méditerranée. Notre ami Louis Pertuis de Félibon en était, ainsi que la marquise Amadei. À bord, on vit un peu en commun, comme dans un phalanstère, et nous ne vîmes pas tout de suite que ces deux êtres s'attiraient et s'éprenaient l'un de l'autre. Un jour, Manuel Orglande et moi, qui étions les plus vieux amis de Louis, nous allions entrer dans la salle à manger pour boire un whisky, quand soudain, au moment de franchir le seuil, Manuel me saisit le bras et m'empêcha d'avancer. Un jeu de glace nous montrait, sans que nous fussions vus, Pertuis de Félibon et la marquise, seuls au fond de la pièce. Nous eûmes un moment d'incertitude avant de savoir si nous serions indiscrets en avançant. Mais à cet instant précis, nous vîmes Raffaella Amadei approcher de sa bouche un verre plein d'une boisson dorée, y tremper ses lèvres et tendre le reste à Louis. Il le prit et il but en regardant la femme dans les yeux. Il ne fallait plus songer à entrer. Nous remontâmes sur le pont. Et Orglande, qui a souvent des intuitions brusques, des vues profondes de l'avenir, me dit tout à coup. « Vous avez vu le malheureux Louis boire le filtre ? Dieu sait où cela le mènera !» La marquise Amadei n'était pas belle, ou plutôt pas franchement belle, mais fine, maigre, serpentine. Quel charme elle possédait avec ses petites épaules d'enfant et ses yeux verts, dont le regard s'attardait bizarrement sur vous. Je ne sais à quel moment elle commença d'être la maîtresse de Pertuis de Félibon, mais je sais que 6 mois après notre retour de Syrie, tout le monde, dans notre petite société, parlait de cette liaison. Elle dura 1 an. Pendant lequel on vit à peine la marquise Amadei et encore moins son amant, 1 an de pleine passion, d'amour fou et complet. Et puis, de nouveaux bruits coururent. On fit allusion à une rupture entre eux, ou plutôt un nouvel amour de la femme, et cette fois-ci pour Charles de Rumont. Quand nous revîmes Louis, après une mystérieuse absence 1 mois, aucun doute ne nous fut permis. Il faisait peine à voir, ce n'était plus qu'une loque, pâle, amaigrie, misérable, les yeux troubles et cernés. « Vous voyez que le filtre agit, » déclara Orglande. « Cela finira mal, je vous l'ai toujours dit. » Je crus qu'il s'était trompé, car Pertuis de Félibon partit pour les Indes et le Cambodge. Il voyagea 1/2 année, chassa, vécut au grand air et revint gras, bien portant, allé par le soleil, guéri, du moins nous le crûmes. Mais le plus étrange, ce fut qu'il se remit à voir Raffaella Amadei, exactement comme si rien ne s'était passé entre eux. Il dînait même chez elle et à côté de Charles de Rumont, et cependant Dieu sait s'il avait aimé la marquise Amadei, et s'il la devait haïr maintenant. « Je n'y comprends rien, » disait Orglande, le psychologue. « J'aurais parié ma tête qu'il ne se consolerait jamais. » Cette situation nouvelle dura bien 1 an ou 2, et nous reçûmes, un soir, une invitation à dîner chez Pertuis de Félibon, dans le petit hôtel qu'il occupait rue de la Faisanderie. Nous arrivâmes ensemble, Orglande et moi. Notre ami nous parut un peu fiévreux, mais il était dans tout l'éclat de sa très réelle beauté, et l'habit noir rehaussait sa pâleur. « Nous attendons la marquise Amadei, nous dit-il. Nous ne sommes que 4. » J'ai échangé un regard avec Orglande. La marquise arriva très en retard. Elle avait encore maigri, mais elle était plus serpentine que jamais et toujours séduisante. Nous connaissions les goûts de luxe et de prodigalité de Félibon, mais la salle à manger nous étonna. Devant chaque fenêtre retombait un vrai rideau de roses roses, tissé et serré comme une tapisserie. L'air en était prodigieusement embaumé. Sur la table, c'était un vrai lit de roses, d'où sortait un surtout de porcelaine de Saxe, groupant ses menus personnages autour d'une fontaine centrale. Une profusion de bougies nous éclairait. Le dîner fut admirable. Les plats les plus rares et les plus savoureux se suivaient, escorté par des vins antiques et célèbres. Jamais nous n'avions vu si gai Pertuis de Félibon. Sa conversation fut un véritable feu d'artifice, mais son esprit avait je ne sais quoi d'amer et de corrosif. Orglande lui en fit la remarque. « C'est vrai, » répondit Louis, « mais je suis mort depuis 2 années, et je me conserve dans la saumure. Il n'est pas surprenant que mes paroles en aient le goût. » La marquise parut gênée. Au dessert, notre ami s'empara d'un carafon posé devant lui, et plus qu'à moitié vide, et tout en disant que c'était un excellent toquet, en versa Raffaella Amadei. Il remplit ensuite son verre et se tournant vers nous. Messieurs, vous m'excuserez de ne pas vous en offrir, mais il est réservé à la marquise et à moi. Je veux boire à nos amours passés. » Nous eûmes un moment de surprise devant la double inconvenance d'une telle phrase. La jeune femme avait bu son toquet et faisait une légère grimace. « Quel singulier goût à ce vin » s'écria-t-elle. « Votre vin aussi, vous le conservez dans la saumure ?» dit Orglande en riant. « Dans la même, oui, » répondit Pertuis de Félibonne. « Vous ne croyez pas si bien dire. » Alors il considéra solennellement la marquise Amadei. « Raffaella, vous souvenez-vous de la méduse ?» Un jour, vous m'avez versé un philtre que je n'ai pas oublié. Je l'ai bu en vous regardant et c'était l'amour. Je vous ai follement aimé et la suite, vous la connaissez. J'aurais donné beaucoup pour vous l'épargner. Il n'a pas plu à Dieu et voici que je viens de vous servir à mon tour, mais moi, c'est la mort que je vous donne. Elle se leva, elle était livide, elle avait tout compris, mais elle ne dit pas un mot. Félibonne but à son tour. La marquise se jeta sur un fauteuil. Elle savait que tout était fini, et elle n'était femme, ni à supplier, ni à gémir. Mais ses membres tremblaient et elle claquait les dents. Louis alla s'agenouiller devant elle. « Maintenant, c'est fait. Je ne me venge pas, Raffaella. Mais je vous ai dit autrefois qu'un jour viendrait où rien ne nous séparerait plus. Ce jour est venu, et je suis à vous, et vous êtes à moi, et c'est pour l'éternité. » Et avec un sourire terriblement ambigu et d'une intelligence presque satanique, la jeune femme répondit « C'est vrai, vous m'avez aimé plus que les autres. » Orglande était déjà au téléphone et demandait un médecin. L'odeur des roses se répandait divinement dans la pièce. Une des bobèches, léchée par la flamme d'une bougie, éclata tout d'un coup. « Ce que je vis ensuite, je ne le dirai pas, car c'est trop pénible. » Mais le poison était foudroyant, et une heure après, les deux cadavres reposaient sur le même lit. Nous les veillâmes, Orglande et moi. Une des fenêtres de la chambre était ouverte. On jouait dans une maison voisine la fin de Tristan et Iseult. « Ce n'est qu'une coïncidence, » me dit Orglande. « Mais vous rappelez-vous le vers de la méduse ?»« Je ne sais pourquoi, mais j'ai compris ce jour-là qu'il portait en lui une fin pathétique. » « A-t-elle été insensible devant la mort ?» fis-je en montrant la marquise. « C'était une joueuse et non une amoureuse. Elle a perdu la partie, elle a payé. »« Mais s'il y a une revanche dans l'au-delà, » conclut Orglande, « je plains notre ami. » Sur le lit où nous les avions jetés à foison, les roses se fanaient. Nous entendions les derniers accents de Tristan jeter leur cri de délivrance, et j'admirais que la haine ait pu joindre ce que l'amour n'avait su réunir. C'était Le Philtre par Edmond Jaloux.